إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في الدرس الماضي on avait pris des مسائل qui concernent un éclaircissement par rapport au tawhid sur lequel se trouvaient les gens de la jahiliya. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est arrivé en leur sein. C'est-à-dire qu'ils avaient le tawhid et le rububiyya, et que cela ne les a pas entrés en islam pour autant, et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les a combattus. Tout ce qu'on prend là au début sont des masa'il, alhamdulillah, qu'on a déjà pris dans d'autres kutub. Donc ça fait une muraja'a, et les shubuhat, les principales shubuhat qui sont exposées dans le livre vont arriver par la suite. Là c'est une muqaddima, c'est-à-dire que l'auteur te prépare, te fait comprendre pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a combattu ces gens, quels étaient les actes de ces gens, leurs croyances, leur façon de faire, pour par la suite te démontrer que les gens qui s'apparentent à l'islam, qui disent « La ilaha illallah » et qui commettent le même genre d'actes, par la suite tu arrives à comprendre et assimiler et à comparer et te rendre compte qu'ils font la même chose. Donc ça c'est une forme de... c'est un tamhid. Il te prépare ce qui va suivre par la suite, inshallah. Donc là, faut pas se lamenter sur ce qui se dit au début, des choses qui ont déjà été prises auparavant, voyez, car le livre va par la suite rentrer dans le vif du sujet. Après qu'il ait bien dit que ces gens-là ne prenaient ces wasa'id que, qu'ils prenaient ces asnam que comme wasa'id, comme intermédiaire, et qu'ils ne les adoraient pas pour elles-mêmes, il dit, ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربه من الله ليشفع له أو يدعو رجلا صالحا مثل لات أو نبيا مثل عيسى وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعوهم إلى إخلاص العبادة لله وحده كما قال تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا ثم قال تعالى له دعوة الحق له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. Donc il dit parmi ces gens que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a combattu, parmi eux certains qui invoquaient les malaïka en vue de leur salah, c'est-à-dire c'était des créatures vertueuses qui ne désobéissent pas à Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'ils intercèdent pour eux. Comme le malak, c'est une créature qui est vertueuse, qui est proche d'Allah, alors il y a le plus d'endroits que je l'invoque pour qu'elle intercède pour moi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tel était son but, et non pas d'adorer le malak en lui-même. Parmi eux, certains qui invoquaient les hommes pieux, comme ce fut le cas de Al-Lat. Et parmi eux, certains qui invoquaient le prophète, comme ce fut le cas de Isa alayhi salam. Donc tu as su par la suite que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les a combattus pour ce shirk et les a appelés à l'ikhlas dans l'ibada, d'être sincère dans leur adoration, c'est-à-dire que l'adoration ne soit que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Seul. C'est pour cela que Allah, dans le sens, il dit, et n'invoquez avec Allah personne. Et n'invoquez personne avec Allah. Et comme il dit subhanahu wa ta'ala, et à lui revient la vraie invocation. Et ceux qu'ils invoquent en dehors de lui ne répondent en rien. Donc, ceux qu'ils adorent et qu'ils invoquent ne leur est d'aucune utilité. En réalité, à chaque fois qu'on prend la tarjama, la traduction du matn, ce que le shir explique par la suite, c'est la même chose. Car la chose, elle est simple pour l'instant. D'accord? Il n'y a pas vraiment de masail qui vient de tafsil ou de s'arrêter. C'est, il fait un tawdih, c'est tout, mais rien que la tarjama en elle-même qu'on fait du matn, elle est claire. Quand je dis elle est claire, c'est-à-dire que le shir, Cheikh Ibn Uthaymeen, par la suite, n'en dit pas plus. Il ne fait que expliquer les expressions pour ceux qui ne les ont pas compris, mais le sens de son kalam revient à la même chose. Par contre, il dit par la suite, وَأَنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَدْعُوا اللَّاتِ وَاللَّاتِ بِالتَّجْدِيدِ إِسْمُ فَاعِلٍ مِنَ اللَّاتِ وَأَصْلُهُ رَجُلٌ كَانَ يَأْتُو السَّوَّاقَ لِلْحُجَّاجِ أَيَجْهَلُ فِيهِ الثَّمَنَ وَيُطْعِمُهُ الْحُجَّاجُ فَلَمَّا مَاتَ عَكَفُوا عَلَى قَبْرِهِ ثُمَّ عَبَدُوهُ. Donc, Al-Lat, c'est un homme qui nourrissait le Hujjaj, les pèlerins. Voyez, Et ensuite, lorsqu'il mourut, les gens se mirent à se recueillir auprès de sa tombe et à l'invoquer. Donc ça commençait par un homme pieux. Al-Lat, c'est un homme pieux. Fumakol, wanna minhum man ya'bud al-Masih, alayhi salam, likunhi ayatan ayatillah. Et ceux qui adoraient le Messie, alayhi salatu wa sallam, Isa ibn Maryam, cela du fait qu'ils disent, du fait qu'il était un signe, un miracle, parmi les miracles d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Isa ibn Maryam, son histoire est connue par tout le monde, qu'il est venu sans père, que Maryam, alayhi salam, l'a enfanté sans père. Et sans compter les autres miracles qu'il a fait par la suite, qu'il parla depuis l'enfance, dans le berceau, et tous les miracles qu'il a accomplis par la suite. Donc de là, les gens se sont mis à l'invoquer. Et ça, c'est surtout le cas des Nasara. وَنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدِ الْأَوْلِيَا لِكُرْبِهِ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Et parmi eux, ceux qui invoquent les hommes pieux. Yani les awliya. Pas même les awliya. Les gens rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et des awliya qui, à la base, eux, étaient plus en droit d'être considérés comme awliya que les gens que, qualifient comme étant des awliya aujourd'hui par les sectes déviés. Ils n'ont rien à voir. Et ces gens-là, en eux-mêmes, sont innocents. À partir du moment où ils ont été qualifiés comme étant des gens salihun, qui sont des gens pieux, cela démontre qu'ils sont innocents de ce que les gens leur ont attribué par la suite et sont mis à les adorer. Isa alayhi salam n'a jamais demandé cela. Les malaïka n'ont jamais demandé cela. Al-Lat n'a jamais demandé cela. Faqal, wa kullu hadha min tazyin ash-shaytan lahum a'malahum allati dhallu biha 'an sirat al-mustaqim. Donc tout ça, c'est parmi les actes que Shaytan leur a enjolivé, leur a embelli, afin de le dévier, afin qu'il dévie du chemin droit. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a combattu ces gens-là pour le shirk sur lequel ils se trouvaient, qui est le shirk de la ibada, du fait qu'ils ont adoré autre que Allah. Et celui qui n'est pas un mu'min, qui n'est pas mu'ahid dans la ibada, celui-là, c'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les a combattus, car leur sang et leurs biens sont devenus licites. Le simple fait de reconnaître Allah comme créateur ne te préserve pas, ne rend pas ton sang illicite ni tes biens illicites. Cela ne te fait pas entrer en islam pour autant. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les a appelés à adorer Allah seul et être sincères dans leur culte. Et par rapport au verset, وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَاسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ, que ceux qu'ils invoquent en dehors de lui ne leur répondent en rien. Cela pour montrer que leur asnam, leurs idoles qu'ils invoquent, ne peuvent rien faire pour eux. Ils ne peuvent rien faire pour eux. Non seulement ils commettent le plus grand des péchés, mais en plus ils n'en tirent aucun profit à cette dunya. Car des fois il y a des gens, ils commettent des péchés, mais ils trouvent une certaine maslaha de leur dunya à faire cela. Quant à eux, ils ne trouvent rien du tout. Que du mal. Et quand on dit une certaine maslaha, c'est comme pour l'alcool, comme a dit Allah Ta'ala, يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا. À par rapport au jeu de hasard et à l'alcool, qu'ils contiennent un certain intérêt. On peut en tirer un certain avantage. Mais que le péché qu'ils contiennent est bien plus grand que cet avantage à tirer. Donc des fois il y a des choses que les gens y font, qui sont des péchés, et dedans, ils en tirent une chose, un certain bénéfice. Et en vérité, le déficit qui en découle est plus grand que le bénéfice qu'on en tire. La fumahada, que le déficit qui en résulte est bien plus grand que le bénéfice qu'ils en tirent. Mais eux, en faisant ce qu'ils font là, ils n'en tirent rien du tout. Car ces gens, ces créatures qu'ils invoquent, ne répondent en rien, n'entendent pas, ils ne peuvent rien faire pour eux. بعد هذا قال المؤلف رحمه الله تعالى وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله والذبح كله لله والنظر كله لله واستعافة كلها لله وجميع أنواع العبادات كلها لله. Donc après, une fois que tu as su cela, tu as réalisé que le prophète صلى الله عليه وسلم, le messager, les a combattus en vue que l'invocation ne soit que pour Allah seul, que le zabh, le sacrifice ne soit que pour Allah seul. Que le nadr, c'est-à-dire ce qu'on appelle le vœu, ne soit que pour Allah seul. Et que l'istighatha, la demande de secours, ne soit que pour Allah seul. Et ainsi que toutes les formes d'adoration. Elles ne soient que pour Allah seul. Après le cheikh expliquait par rapport à cela, ad-du'a, masalan, huwa la nu'ayn, de deux sortes. Du'a al-ibada, ma'louf, qui est du'a al-ibada, an yata'abbad lil mad'u talaban li thawabihi wa khawfan min 'iqabihi. Wa hadha la yasah illa la yasah li ghayrillah. Wa sarfu li ghayrillah ta'ala shirkun akbar mukhrij 'an al-millah. Wa 'alayya qaw al-wa'id fi qawlillah ta'ala إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Donc ce premier dua qui est dua al-ibada, c'est que la personne se mette à adorer celui qui l'invoque en vue d'en tirer sa récompense et par peur de son châtiment. Et cette adoration n'est que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui le fait pour autre que lui aura commis du shirk. Et sur lui plane la menace du verset dans le sens où Allah dit que certes ceux qui s'enfuient d'orgueil dans mon adoration, entreront en enfer. Entreront en enfer. Al-Nu'a al-Thani du'a al-Mas'ala. Wa wa du'a al-Talab, ay talab al-Hajat. Wa yinkasimu les salafti aqsam. Et le deuxième genre de du'a, c'est du'a al-Mas'ala. C'est le du'a de la demande. C'est-à-dire que tu demandes des choses. Donc le premier du'a, c'est une adoration dont on attend une récompense dont on a peur du châtiment si elle est délaissée. Comme les adorations qu'on fait. As-salat, as-siyam, ikhraj al-zaka. Ces adorations toutes rentrent dans du'a al-ibada. Et du'a al-mas'ala, c'est plus le fait d'invoquer, de demander pour un besoin. Et cette forme de du'a, mas'ala, est en trois catégories. La première, du'a Allah ta'ala bima laqdiru alayhi illahu. Le fait d'invoquer Allah dans ce seul, dans ce quoi seul Allah est capable d'accomplir. Car cela demande à ce que tu t'appauvisses. Yalzaminu al-iftikar ila Allah. Que tu te rabaisses et que tu t'appauvrisses devant Allah subhanahu wa ta'ala, que tu te rends compte que tu as besoin de lui. Et que tu reviennes vers lui. Et que tu aies pour croyance qu'il n'y a que lui qui pourra te répondre. Et t'accorder ce que tu demandes. Donc celui qui agit de la sorte avec autre que Allah subhanahu wa ta'ala aura commis du shirk. Deuxième forme de dua, c'est celui-là, qu'on vient de citer. Dua al-hay bima yakdiru alayhi, misla ya fulan, isqini fulan, fala shayfihi. C'est le fait de demander à une personne un besoin, dans ce qu'elle est capable de faire. Comme le fait de dire, oh, un tel, abreuve-moi, donne-moi de l'eau, donne-moi à boire, masalan. Ça, il n'y a pas de problème, ça s'appelle un dua. Mais il n'y a pas de shirk dedans, car tu demandes à une personne présente, vivante, de faire une chose qu'elle peut faire. Comme le fait qu'elle te donne de l'eau. Troisième catégorie, du'a al-mayyit wa aw al-ghaib bimithl ma bimithl hadha fa innahu shirkun li'annahu al-mayyit wa aw al-ghaib la yumkinu an yakuma bimithl hadha fa du'a'uhu iyyahu yadullu ala annahu ya'taqidu anna law sarfan fil kawn fa yakunu bidhalika mushrika. Une troisième forme de du'a, c'est le fait d'invoquer par exemple un mort ou un absent. Pourquoi? Car le mort et l'absent ne sont pas en mesure de faire ce que tu leur demandes. Donc cela amène à ce que tu aies une croyance dans ton cœur qu'ils ont une part dans le contrôle des choses. Et pour cela, tu en deviendras un mushrik. Cette croyance, car cela ne revient que à Allah. Azza wa Jal. Également le fait de demander une chose, même quelqu'un qui est vivant, mais qui ne peut accomplir cette chose-là. Ça rentre dedans. Donc, on récapitule. Les du'a, comme le cheikh a cité, de façon générale, sont de deux catégories. Du'a al-ibada, c'est l'adoration en soi. Car elle est appelée du'a également. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, al-du'a ou al-ibada. L'invocation, c'est l'adoration. Et ça, ce n'est que pour Allah seul. Haram an yakun li ghayrihi. Interdit que ce soit pour autre que lui, cela est du shirk. Deuxième, c'est du'a al-mas'ala. C'est le fait de demander une haja, un besoin. Ce du'a al-mas'ala est de trois catégories en lui-même. Celui qui est que pour Allah, c'est-à-dire d'invoquer Allah dans ce que seul Allah est capable d'accomplir. Car tu sais qu'il n'y a que lui qui peut le faire. Donc ça, c'est dua, mas'ala, celui-ci prend le hukm de l'ibada. Deuxième, dua, c'est le dua qui est justement une créature d'accomplir une chose qu'elle est en mesure de faire. Donc ça, c'est permis. Il n'y a pas de shirk là-dedans. Et troisième catégorie, c'est dua et shirk. C'est le fait de demander à une créature ce qu'elle ne peut accomplir, comme le fait d'invoquer un mort, ou d'invoquer une personne qui est absente, ou d'invoquer une personne qui est incapable de faire ce que tu attends d'elle. Et tu le sais. Hada shirkun. Car cela t'amène à avoir comme croyance que cette créature a une part dans le contrôle des choses, alors qu'elle ne le peut. Hada miyatulak biddua. Et tout ça, alhamdoulilah, on l'a déjà pris dans tout le salat. Après, quoi est azabah? L'égorgement, le sacrifice. Wa qala izhaq ar-ruh bi iraqati ad-dam ala wajh makhsus. C'est ça le zabh. C'est le fait d'enlever l'âme, c'est-à-dire de tuer, en faisant couler le sang d'une façon particulière. Et ce zabh, il a différentes catégories également. Al-awwalu an yaqsid bihi ta'zim al-mazbuh lah wa tazallul lahu wa taqarrub ilayhi bi hadha. فَهَذَا عِبَالَةٌ لَيَكُنْ إِلَّا لِلَّهِ. Donc c'est le fait, par exemple, du sacrifice que tu vises, que celui que tu vises par ce sacrifice, cela amène à ce que tu aies du ta'zim pour lui et de l'humilité envers lui. Et tu veux te rapprocher de lui. Donc celui-là, ce zabh-là, c'est une ibadah, il n'est que pour Allah. Et celui qui le fait pour autre que Allah aura fait du shirk akbar. Le zabh, il n'y a pas de taqsim dedans en asrar ou akbar. Celui qui fait un zabh, les ghalillah, il a fait que du akbar. Shirk akbar. Après, il y a thani. An yaqsid bihi ikram al-zayf. Aw walima li'urs. Wa nahwa dhalika fa'adha ma'murun bihi. Imma jawaban aw istijaban likolihi sallallahu alayhi wa sallam. Man kana yu'minu billahi wal yawm al-akhir falyukrim dayfah. Aw qala li Abdurrahman ibn Auf. Hina tazawwaj. Aw lim walaw bishah. Donc le deuxième, c'est par exemple que par ce sacrifice, il vise par exemple d'honorer son invité, ou son voisin, ou une walima pour un mariage. Ça, ce sont les choses à la base qui sont obligatoires. Tamam? Comme dans le hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui croit en Allah au jour dernier, qu'il honore son voisin. Ou plutôt, qu'il honore son invité. Et comme il a dit à Abdurrahman ibn Auf, lorsqu'il allait se marier pour son ours, il a dit, fais une walima, ne serait-ce que par en égorgeant un mouton ou une brebis. Donc la walima, elle a pris le jument de wujub pour celui qui est capable de l'accomplir. Car ce hadith, il dit Aoulim wala obisha. C'est un ordre. Et Abdurrahman ibn Auf, c'est quelqu'un qui avait les moyens. Les ulama, ils ont divergé par rapport à la walima, ce qui est obligatoire ou pas. Et ce qu'on est sorti comme résultat qui me paraît, moi, rajih, c'est qu'elle est obligatoire pour celui qui a les moyens de la faire. Et chacun fait une walima en mesure de ses moyens, bien évidemment. Même quelqu'un qui vient avec, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, avec juste du lait et des dattes, avec une niyyah de walima, yujda, c'est valide. Il n'y a pas beaucoup de moyens, et il invite 2-3 personnes. Car la walima, ce n'est pas non plus obligatoire que tu invites tout ton quartier, ou tous tes amis. Ça, c'est en mesure des moyens. Taïeb. Donc là, c'est la walima. Ça, c'était par rapport aux zabh. Deuxième catégorie de zabh, celui qui est obligatoire, mais qui n'est pas une ibada pour Allah, c'est-à-dire que tu n'égorges pas pour Allah. Ton but là n'est pas de faire une adoration pour Allah en soi, mais de, c'est, tu as une cause imposée par la législation, comme la aqiqa, comme la walima, ou comme le fait d'honorer l'invité ou le voisin. Mais quand tu fais ces choses-là, ton égorgement, lui, n'est que une wasila qui t'amène à accomplir cette obligation. Contrairement au premier, au zabh, qui lui, est une adoration que tu fais même sans cause. C'est-à-dire, tu dis, je vais égorger pour Allah, c'est tout. Il n'y a rien qui, à la base, qui t'a amené à faire cela. Et troisième catégorie. أن يقصد به التمتع بالأكل أو الاتجار ونحو ذلك فهذا من القسم المباح. فالأصل به فيه الإباحة. Et donc, la troisième catégorie dans le sacrifice, c'est le, par exemple, que tu fais cela parce que tu veux manger de la viande, ou tu veux faire du commerce. Donc cette catégorie-là, elle est permise. Tu vas égorger un mouton, masalan, pour en manger. Tu veux manger de la viande. Et la viande, tu ne peux manger que ce qui a été égorgé au nom d'Allah. Donc tu vas égorger. là ton égorgement, ton but n'est pas de faire un ibada pour Allah en soi directement. Mais pour que tu puisses manger de la viande, tu es obligé de faire cela. Donc tu vas le faire, tu vas égorger, bismillah. Voyez, mais ta niya c'est quoi? C'est de manger de la viande ou de la vendre par la suite. Donc cette forme d'égorgement est permise. Kazalik. Ensuite il parla du nazr, le vœu. Le fait de faire un vœu pour Allah subhanahu wa ta'ala. On a appris que le vœu était de deux catégories, un mutlaq ou un muqayyad. Le mutlaq, c'est par exemple quelqu'un qui dit, il fait un vœu, yakul lillahi, alayya sum shahr. Quelqu'un il dit, pour Allah, je vais faire un jeûne de un mois. Sans condition. Lui fait son jeûne, il est obligé de le faire. Et si Yamin ne le fait pas, ça prend le hukm de kafarat al-Yamin. Ça prend le jugement de celui qui a juré par Allah, qui n'a pas, et qui a enfreint ce qu'il a juré, ce pourquoi il a juré. Donc lui, c'est ou il nourrit des pauvres s'il en a les moyens, ou il libère un esclave, et s'il ne peut pas, alors il jeûne trois jours. Et le nazr al-muqayyid, c'est le fait de faire un vœu en échange d'une chose. Mathalan, shars yakul, in shafani Allah min maradi, sumtu shahran wahida. Quelqu'un qui dirait par exemple que si qui est malade ici, Allah me guérit de ma maladie, alors je jeûnerai un mois. Là, c'est muqayyid, c'est-à-dire qu'il fera le vœu que s'il se passe telle chose. Donc lui, c'est pareil. Si jamais Allah le guérit de sa maladie, il doit jeûner un mois. Obligatoirement. Donc ce vœu, on appelle le nazr, tu ne le fais que pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu ne dis pas, par exemple, demain, pour un tel jeûner un mois. À la shirk. Ou tu dis, si un tel me donne telle chose, eh ben pour lui, je jeûnerai un mois. Ada shirk. Ce n'est pas permis. Et le nord, vous le savez, que son jugement, c'est qu'il est makruh. Car tu t'imposes une chose que Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas imposé. Donc faire le nord, c'est makruh. Mais le fait de le respecter et de l'accomplir, cela est obligatoire. Ada wajib wa da'ibada lillah. C'est l'adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. On a pris dans le sous salat. Wa ba'da hadha, qala al-isti'atha. L'isti'atha. قال طلب العوث والإنقاذ من الشدة والهلاك. Donc l'isti'atha, qui est la demande de secours. Tamam, c'est le fait d'attendre secours de Allah subhanahu wa ta'ala et que tu te sauves ou du danger que tu encours. Donc l'isti'atha, ça a le même jugement que le dua, dua al-mas'ala, qui est la deuxième catégorie. C'est-à-dire, à la base, l'isti'atha, تستعيذ بالله. Que tu recherches refuge ou secours auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et cela t'est permis avec la créature si jamais elle est en mesure de pouvoir t'aider. C'est comme l'isti'ana, l'isti'atha ou l'isti'atha. C'est les mêmes choses. C'est le même jugement que pour le dua, dua al-mas'ala. Par exemple, tasta'if, demain tu as un ennemi qui veut te combattre. Et tu n'as pas les moyens de pouvoir lui faire face. Yajuzulakan tastariz biman yagdir al difa. Il t'est permis de rechercher secours auprès d'une créature qui est en mesure de t'aider. Donc cela est permis. Waldalil ala zalika, qissat Moussa alayhi salam, qala Allah azza wa jal, fasta'afahu alladhi min shi'atihi alladhi min aduwihi. Fawakazahu Moussa faqada alayhi. Donc celui, lorsque Moussa alayhi salam a vu un des siens se faire agresser par un des gens de Pharaon, Allah subhanahu wa ta'ala dit, fasta'athahu allazi min shi'atihi. Donc celui de sa tribu, ce groupe de Moussa, cherche un secours auprès de lui. Contre cet homme qui était des gens de Pharaon. Donc Moussa alayhi salam l'a aidé, l'a défendu, il frappa cet homme et le tua. Donc là, cette isti'afa, elle est permise pour celui qui est en mesure de pouvoir l'accomplir. Amal isti'afa bima la yagdir alayhi illallah fa hadha shirkun. Chercher du refuge, ou plutôt du secours. Refuge serait plutôt isti'afa. Taïeb, quand on dit recherche de refuge, c'est plutôt isti'afa. Isti'afa, c'est lors d'une grande difficulté à surmonter. Isti'ana, c'est une recherche d'aide. وقد تكلمنا في هذا في رسول ثلاثة Taïeb. Donc là, ce qu'on a appris aujourd'hui, des différentes formes d'adoration, comme ad-du'a, comme ad-dhabh, comme ad-nadh, comme al-isti'afa. Et ça fait une muraja'a pour nous. Et en réalité, alhamdoulilah, c'est masail, on les a déjà beaucoup prises et répétées. Taïeb. Donc on va s'arrêter là aujourd'hui. Wa sanawasil fi dars qadim inshallah ta'ala. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.